RFID, c'est en anglais, c'est Radio Frequency Identification. Donc identification par radiofréquence. Ces deux éléments vont être connectés ensemble, et c'est ce qu'on va appeler l'étiquette station de lecture, qui va permettre de communiquer avec cette étiquette, et on aura à ce moment-là un transfert d'informations qui va se faire entre l'étiquette RFID et la station de lecture. Une puce RFID implantée est similaire à un bracelet électronique. C'est un émetteur-récepteur avec une antenne qui émet une dose d'irradiation importante en rayonnement micro-ondes. Cette irradiation est directement au contact des tissus humains dans le cas d'une implantation sous-cutanée. La notion du rapport dose sur temps d'irradiation est fondamentale dans le cas d'une implantation sous-cutanée d'une puce RFID. Pour un humain qui va être soumis à une irradiation pendant une longue période, c'est un scandale sanitaire. Eh bien, c'est un capital global, humain, qu'on doit tous ensemble protéger. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Marc Cohen, vous êtes métaphysicien ? Oui, entre autres. Vous êtes actuellement sur des recherches assez précises. Ça tombe bien, on fait une soirée sur les implants, qu'ils soient terrestres ou extraterrestres. En tout cas, il y a des pistes à suivre. Et vous, actuellement, vous êtes attardé sur les cartes d'identité. Oui, je suis spécialisé dans toutes formes d'implants. Mais là, ce sont les cartes d'identité qui me passionnent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur une carte d'identité qu'on ne connaît pas, à part la photo, la date de naissance ? Qu'on ne connaît pas, plein de choses, mais en l'occurrence, dans la photo. La photo est scannée. Une photo scannée. C'est pas une photo en relief qui a été collée ou agrafée. Comme ce fut le temps dans les anciennes cartes d'identité. C'est-à-dire que la carte d'identité nationale, elle est la photo. Donc dans la photo, à la hauteur de la gorge, on y trouve une espèce de puce. On peut voir ça sur toutes les cartes. Toutes les cartes d'identité nationale, normes CE. D'accord, donc une espèce de puce, ça vous a intrigué. Vous avez décidé d'en savoir plus sur cette puce. J'ai décidé d'investiguer par moi-même. Alors, donc enlever cette puce, c'est difficile, ça nécessite beaucoup de travail. Oui, ouais, quand même. Ouais. Oui, pour ne pas l'altérer. De quelle manière avez-vous étudié cette puce? En microscopie électronique et en mesure biophysique. Donc en grossissant, en gros, à combien de fois? L'idéal, le grossissant idéal pour commencer à voir, c'est 300 fois. Mais je suis allé jusqu'à 4000 fois. Qu'avez-vous trouvé? Un sillonnage. Un sillonnage doré bleu, dont la matière est organique. Elle est semi-organique et semi-minérale. Pour l'instant, je suis encore dans des recherches. Je ne peux pas dire vraiment comment c'est composé. Mais c'est étrange, ça je peux le dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Non. Et pourquoi est-ce qu'il est étrange? Pour plusieurs raisons. Une photo, c'est une image. Une image, c'est un représentant de la personne. Une photo est une image, elle représente la personne, parce qu'à l'intérieur de la photo, dans un intérieur bien entendu métaphysique, mais néanmoins existant, il y a le corps éthérique. Donc, là où ça devient très étrange, c'est que le corps éthérique est investi de cette espèce de corps étranger. Alors ces organismes que vous avez trouvés sur ce qu'on appellera une puce, est-ce que ce sont des organismes connus? symbole de ces organismes à l'intérieur, c'est du déjà vu, ou est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Absolument pas. Alors ça se rapproche de quoi, si vous devez rapprocher de quelque chose? Ça se rapprocherait d'un sélénoïde, c'est-à-dire une espèce d'enroulement dans un ordre particulier qui aurait des effets biophysiques. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus explicite? Oui, je le peux en étant très simple. Je pense que ça pourrait, je dis bien ça pourrait, je n'en suis absolument pas sûr. Dans l'absolu, j'en suis sûr. Mais dans le cas présent, ça pourrait avoir une influence sur le comportement du sujet de la carte d'identité. Je parle au conditionnel. D'ici combien de temps aurez-vous terminé vos recherches? Environ un mois. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on entendait déjà auparavant? Est-ce que d'autres personnes ont fait ce genre de recherche avant vous? Je pense que certaines personnes en ont parlé, à l'évidence. Jamais personne n'a investigué à ce point. Et de comprendre ce qu'est la sorcellerie, ce qu'est la pratique occultiste de la sorcellerie, l'ésotérisme dégénéré maçonnique, etc. Donc, ce sont des choses qui existent, qui sont pratiquées par des gens bien plus intelligents, bien plus puissants que vous, qui rigolaient là, qui prenaient ces choses à la légère. Hein, c'est des gens très puissants, très riches, qui ont du pouvoir. Que ça soit des présidents, que ça soit au Vatican, que ça soit partout, les sultans, les rois d'Afrique, d'Arabie, partout. Thank you.